c'est électrique, c'est inédit. Y'a la technique, y'a la maîtrise. J'fais des rallyes, j'investis, capitalise, bénéfice. Choque la France en sommation. Petit frère en permission, berline allemande location. Petite kiff, mauvais garçon. Un peu d'eau et de lessive, argent sale dans la bassine. Tous les jours, c'est jour de paye. Bernie Noël, coup de pelle. Allez, l'OM, jour de match. Champion d'Europe pour de vrai. DP floqué sur la manche. MDLR, vrai de vrai. On en parle au cardio à Guendouzi. Équipe sous pétard bien dosée. T'inquiète, cousine, on va s'imposer. On sort de la cuisine, on a bien bossé. La même cosa, le même dosard. Flow royal comme les Mendoza. Y'a pas que les quartiers qu'on les mains trop sales. La coque, les putes, les riches, ils aiment trop ça. Y'a mes boules, beat lourd, style joule. Pas de mi-boon, gros de pitbull. J'crée le danger dans le quart d'heure. Décollant que dans le chargeur. Je suis Chris Ilosé qui se meurt à Gaza. Tu peux toucher la cible et tu tires au hasard. Dans la cristalline, y'a que du damoiseau. Tu voulais faire le gros, t'as capot sur les autres. Réseau de dans le chargeur, faut les atomiser. Tu te fais pigeonner sur un tatoumisé. Le canon est scié, mais tu ne sais pas viser. T'as tenté la lucarne pour tout dévisser. De passer le filtré pour débloquer l'inspi. Trop de spi pour zéro polonaire, par au casse. Tard, non, on aime traîner dans la ville. Palpe espèce que maman kiffe la vie. Choc comme la presse, plaqué 13. Tous les ennemis sont en pleine détresse. C'est chaud, c'est bouillant, c'est Marseille. Go face normal sur la A7. C'est pour les frères qu'on incarcère. Ça rappe depuis le radio cassette. C'est tout pour la mala, équipe de fou malade. On te scène comme au Guatemala. T'as capté, signé Beretta. C'est acté, Marseille inarrêtable. On parle pas en castagne, hasta luego. Chaud comme un MRS, on vous met le fuego. Pas de hasard, pas de hasard. Fais sa fissa comme Joe et Zaza. Dans la boca, ici c'est Gotham. C'est tirant pas, mon palais est en arme. La society, pas rester statique. Système pathétique, ils n'ont pas d'éthique. Monsieur Bosson traverse les époques très organisées. Le J olympique, fuck tout leur game de Berlin Pimpin. Rien à foutre, demain c'est bien loin. Fuck tout leur game de Berlin Pimpin. Rien à foutre, demain c'est bien loin. Boum, j'suis rare comme un flic, cool. Quand j'suis à part dans la zik, bouge. Calibré quand on sort, gentil mais quand j'mors, j'lâche pas, j'suis un pitbull. Surtout parle pas dans la street, cous. Faut que le Barça, j'suis un real blues. J't'harcèle comme un petit genou. C'est Marseille, centre-ville, zou. Y'a des princesses et des crasseuses. Princesse, dis-moi, mais ta bite où? Galsen et la G-Jouf. J'les massacre sur un chip. 13-0-13 sur la signalétique. Bien la roue arrière, Belexia Lefty. C'est la vie de mes gens qui s'adossent à ma rime. Le son de la ligne de la Rose, la Marie. Trentaine décente, look d'adolescent. Azix, fluorescente, fluorescente. J'écoute les minots de ma ville, les yeux mi-clos. Low high, ligno, midi-mi-clo. On a les codes, fonctionne à la parole. On allait à l'école pour rendre fier la daronne. Un mélange de nos rues et de talents bruts. Relou, c'est Marseille comme tu l'entends plus. J'ai personne t'a validé. On tient les guitares d'Alidé. J'suis dans le bloc, ça sent la drogue. La patate filtrée qualité. J'ai même plus le cœur pour danser. Quelques problèmes financiers. Elle veut juste mon corazon. Mais j't'assure que c'est pas assez. Le four tourne 7 sur 7. Mon survêt sans lacet. Si j'veux skip pas la PJ, j'finis sans lacet. Hey, c'est Marseille, c'est le 13, c'est le grand cortège. Tu vends de la neige, tu veux que je te protège. Numéro 9 dans le rap, dans la presse. Jules et Sopra sur les chefs d'orchestre. Sourd et muet au commissariat. Comme à l'Ariane, à Marseille, c'est l'Ariat. Tu veux des Maria, ben au pire, y'en a. J'ai mis Ariana, la petite Rihanna. 4 anneaux, et ça parle que de nous. Lunettes baissées, ils sont tous parano. Très organisés, c'est le nom du réseau. Moi, je me présente, c'est Lorenzo. Elle veut ma queue, playback. J'tiens bien la route, Maybach. J'viens de la casse, à de la classe. J'fais pas de clash, j't'éclate. Quand j'avance, ça s'écarte. J'me sens pas comme ces caves. Attends un peu, c'est pas un jeu. Il faut que tu caches tes cartes. J'la fais monter dans le BM. Elle m'a souri comme un BN. Ce mec de TN rempli d'ADN. Quartier Sud, c'est Vézou et le QN. Bébé, bébé, bébé, le soleil vient se coucher. Je suis bien dans tes bras, sous les étoiles arrivées. Merci la rue pour l'hospitalité. En face ils pensent rivaliser. On veut marquer l'histoire par la faim et la soif. T'as ceux qui font que tu sais des vies. Le ghetto nous grandit dedans, ça forge. Le cœur il a coagulé. Longtemps qu'on est là mais qui croit pas en nous. Temps additionnel, je vais les climatiser. Violent comme un narconène. On sait qu'ils nous aiment pas, on peut pas rester poli. Va niquer ta mère, monsieur l'agent, chez nous c'est une tradition. Depuis tout jeune, manie le guidon, litron, piton. Ni nani, non, ni oui, ni non. Tire son tissage, Milan. Comme toute semaine, j'ai la vision. Cadeau de mission, sueur, froid, frisson. Fiston, disons que tes os nous brisons. Pleine de trahison, ramification. Frappe chirurgicale, table de précision. Fixower, eagle, neuf parabellum. En direction de Tarragone. Tous les cœurs, j'tes gueules. sur le cul de la folle. M3CV c'est la zone. Viens voir ma ville, c'est pire qu'un film. Famille en gaz devenue Brooklyn. Adolescent veut l'argent facile. Pendant que son père charbonne à l'usine. Y'a plus de risque qui tient. Faut que tu te calmes dans le jacoco. Et toi poteau tu dors. T'as la boco, vas-y bois un coup. Ne joue pas le voyou voyant. On mélange pas les voyelles vaillants. Ne joue pas le voyou voyant. On mélange pas les voyelles vaillants. Cagoule ganté, 4 glock, 4 mecs, 4 corps filmés en 4K. Sans V, sans cœur, sans âme, sans émotion. 9 MAK pour les hops, hop. Tu n'es plus au top, t'as joué, t'as perdu. J'enfile cagoule les gants et on top. Smoke, tu me connais bien, j'baise rap, trap, drill, jersey. Bien évidemment, tout ça sans capote. Aucune émotion, c'est la rue. Il trahit le gang pour une chiche. Il vendrait les siens pour des thunes. J'ai triplé sa tête, il a deux fois mon bras. Les grands en grade, les grands viennent des généraux. J'me sens comme Marlowe, suivi par les fédéraux. On s'en bat les coups des risques, frérot, tant que ça fait des rangs. Ça achète des armes, des babales pour protéger les gros. En déboule en 3 litres 2. Quand même, tu sais, ici c'est le 13002. J'ai trop la haine, fils de pute. Des fois y'a des bons, y'a des pulls. Ça vend la peu phrase, ça c'est sûr. Depuis tout le monde bercé par le J. Fais gaffe à ta langue devant l'OPJ. Depuis tout le monde bercé par le J. Fais gaffe à ta langue devant l'OPJ. Moitié d'invite, j'suis pas le bienvenu, mais je m'invite. Classique, mayo, merguez, pain frit, Azix, banane, réseau des chines. Fuck l'état, fuck le commissaire. Sors pas de l'ENA, on sort de l'ordinaire. J'viens de là où les flics ont commis tous ces crimes. Ziyed, Bouna, Malik ou Sekin. Col roulé en cachemire, le salaire sur Bazir. Corner de Pelé, tête de Basile. Claquette, chaussette, ça met en heel quad. Chapeau de paille, on roule avec le shit squad. J'vais rentrer en kickant ou rentrer comme Kylian. Après mon entrée, j'appartiens à la victoire. De base, j'suis cocu, la coupe à une coco. Avec mes traits, j'suis Omar dans The Wire. Cassez-moi, j't'envoie plus, cassez-moi, j't'envoie plus. Aujourd'hui, j'ai ma fille, il pense que j'suis bizarre. Parce que je suis bizarre, je m'occupe de ma fille, je m'occupe de ma famille. Après les cafés, on a pris le RS, n'a cassé la potion. T'as fait là une nouvelle cotisation. Aujourd'hui, les temps ils sont serrés, j'ai rangé les Dior et les Kenzo. FGZR, Belvato Loco, SFR pour les Lobalika. Je peux t'aider, dis-toi c'est beaucoup. Mais te faire confiance c'est délicat. Si je gamberge, c'est niqué. On se soumet pas, tout comme à Nicky. J'ai qu'une seule minute pour le faire comme un piqui. Qu'une seule seconde pour tout piquer. J'ai mal au cœur, mon bac, c'est mon fratello. Ils sont pleins de stratégies et tout ça pour des arrête, lots. Vas-y laisse tomber, dans un RSQ 8 pieds au plancher. Ta petite elle est affolée, j'suis avec ses hits sur un T-Max volé. Le pochon il est agrafé, la juge veut nous attraper. J'te jure que j'suis trop gazé, y'a du fil très fort, 3 au quartier. Mais là c'est chaud, ça prend photo, y'a une CS. J'suis parano, mon point y'a les CRS. J'suis des pancou Manu, portez l'étoile sur le maillot. Le trans nous a connus. Un taxi, un SABO. Comme moi d'autres, je suis magique. Une voix apparaît unique. Du beau poème si authentique. Vrai et charismatique. J'suis avec la grosse équipe. Solide sur les appuis. Et en voie au mastic. C'est très organisé, clic. J'ai le flow monté sur 4 matchs. Crache le feu comme 9 automatiques. La concurrence est fantomatique. On a trop de hits, de gros classiques. Quand on prend le mic, on traumatise. Y'a tout le 13, on est trop massif. Quand c'est nous, ça paraît trop facile. Quand c'est toi, ça paraît tout factice. Oh, j'te l'ai déjà dit, on n'est pas de retour, j'suis jamais parti. Non, tu peux pas tester, tu peux pas détruire ce qu'on a bâti. Nous, on s'est fait tout seul, on s'est fait nous-mêmes d'or et platine. Et merci le J, et merci la zone, et merci la G. J'ai même plus l'heure qu'il est, rendez-vous annulé. J'suis dans un bourbier, mais j'fais un gros billet. Un flash dans le mercé, tu me dois, dis pas merci. Les mondes pour me percer, la top vient de Marseille. C'est la remontada, trop primitif, flow punitif, gerbant dada. Sorti de sous terre comme les ratins. Trois c'est la chienne sur le gâteau. Gata, col relevé comme canto. Hasta la muerte, étoile sous le manteau. Ils n'aiment pas qu'ils aillent se faire menter. Patati patata, mais ça va faire niente. Où on en était, tout droit au rétro. Spot bleu rétro, j'crois qu'on en met trop. Tête dans les taux, cœur comme ghetto. Tous même méta, rangé beau métho. Au labo, au label, au gantel. Diablo, j'suis les murs de la ville qu'on m'appelle. Au talent dans l'ombre, faut tellement dans l'ombre. Si on se perd dans cette bière, TV dans l'autre.